rose, mon pas rose, les familles mariées. Et à rose, moi l'autre, nous voisins plouillés. À soir, il pas dormi, fatigue sans la tête. Les timazines qui côté, mon papa bébé. Si mon grand il y a un accident, il pas pour connaître. Les qui attendent mon mort, pas réalisé. Maman, vous compte bien, moi depuis petit. Mon parti ou dans la musique. Et mon balier, pébalier, mon pépé, guitare. Ça veut dire, moi, tu content pour vivre, musicien. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La vie musicien. La la la la la la la la la la la la la la la la. La vie musicien. Comment la vie musicien, ça y est normal. Mon grand il n'est pas de problème, dites-moi m'oublier. M'oublier si j'ai en vie fait moi du mal. Comment t'as fait l'esprit, maman senti mon pied. Dans mon esprit, c'est l'envie, la musique. Dans mon la veine, c'est tissant, la musique. Mon grand, il sommeille vitement, si mon temps, la musique. Votre maman, c'est pas tout, mon temps, la musique.